Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous commençons l'émission avec un plongeon dans le passé. L'histoire de l'humanité comporte plusieurs civilisations qui se sont éteintes et peut-être aurions-nous à apprendre de leur extinction. On en parle avec Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors, on voit aujourd'hui, et hier j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux un article qui parlait d'une étude de la NASA qui disait que le monde tel qu'on le connaît était sur le point de s'effondrer. Un peu alarmiste. Là, un petit peu. C'est sûr. Sauf que l'étude se réfère aux effondrements dans le passé de grandes civilisations, notamment Rome. Et donc, ce soir, je vais vous parler de ces civilisations qui ont disparu là. Donc, on va en parler un peu de savoir qui. Lesquels, en fait, qui ont disparu. Et ben, qu'est-ce que l'archéologie peut nous apprendre aussi là, de ces disparitions-là? Donc, il y en a plusieurs de ces civilisations, finalement. On pourrait en nommer plusieurs. Ah, la liste, elle est vraiment longue. En fait, tôt ou tard, pas mal toutes les civilisations dans l'histoire ont eu un déclin, puis après ont eu une sorte de disparition. J'ai nommé tantôt Rome, mais on retrouve aussi Napta, Playa, les Minoens, il y a les Khmer, il y a Inca, là, donc la liste se découle encore plus, puis il m'est impossible de faire l'étalage de tout ça sur une si courte durée de temps. Mais je vais vous parler d'un site qui précède la civilisation égyptienne, c'est Napta, Playa. Napta, Playa. Oui. D'accord. Donc, c'est un site désertique. Aujourd'hui, il est complètement dans le désert, près de Abu Simbel, qui est un très beau lieu, en fait. Ça, c'est sur le Nil, hein? Oui, dans le sud du Nil, c'est là où on a deux beaux temples pour Ramsès II. C'est vraiment un très beau site. Puis ce site-là de Napta Playa, en fait, a été occupé dès le 9e siècle, avant Jésus-Christ, par des nomades. Il a connu un apogée aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ et un déclin vers 6500. Ce site est très bien conservé avec les conditions désertiques du climat qui préserve tout. Il n'a pas été enfoui sous les végétations, celui-là. Non, pas de végétation, en dessous du sable. Ouais. C'est tout. Fait qu'on a, il y a plusieurs disciplines qui ont un grand intérêt pour ça, pour ces conditions-là. Donc, l'archéologie, bien sûr, mais la préhistoire, l'égyptologie, puis aussi ceux qui étudient l'agriculture. Ah, ben oui. Et puis, d'ailleurs, on disait que il avait été particulièrement bien conservé à cause des conditions désertiques, mais on peut se demander comment les gens s'y sont installés à ce moment-là. Comment une civilisation a pu se développer dans ces conditions? Oui, c'est quand même un peu bizarre, mais les conditions climatiques, ça change tout le temps, à travers le temps, même aussi un peu aujourd'hui, là, à moins grande échelle, il faut dire. Mais on a des éléments qui nous permettent d'avancer qu'il y avait une présence d'eau. Donc, la zone, elle recevait probablement jusqu'à 500 millimètres d'eau annuellement, ce qui est vraiment loin d'être le cas là, présentement. Ces éléments, c'est des indicateurs d'eau en archéologie. Je peux en nommer quelques-uns. Il y a la présence de flore et de faune aquatique, mais il y a aussi l'analyse chimique du sol. La stratigraphie aussi, au travers du sol, il y a des certaines couleurs qui vont nous permettre de dire que il y avait de l'eau avant. Ouais. Exactement. En fait, on le voit encore aujourd'hui, si on se promène chez soi et qu'on découvre des petits coquillages dans le sol, puis qu'il n'y a pas d'eau présentement, mais ça laisse à penser. Il y en a eu. Exactement, il y en a eu avant. Comme je disais précédemment, la population présente à Napta Playa était initialement nomade. Mais avec le climat qui est de plus en plus propice, ils décident de s'y installer. Et en fait, l'établissement va grossir aussi. Mm-hmm. On va voir apparaître des puits un peu partout. Et l'établissement va prendre de l'ampleur. On compte jusqu'à à peu près une vingtaine d'installations, là. Une installation? C'est des tentes. Donc, une petite communauté où plusieurs familles vont s'installer. Puis les tentes, en fait, on les découvre sur le sol avec des cercles de pierre qui vont délimiter. Ah, comme les poteaux ou du moins l'armature, la structure. L'armature, exactement. Mm-hmm. L'armature de pierre nous laisse les traces des anciennes maisons, des installations pour les nomades. La communauté est considérée d'être assez avancée pour son âge, pour son époque. Ce qu'on va retrouver, ben, d'ailleurs, ces petits villages-là, là, qui est assez, qui arrive pas souvent, mais aussi la présence d'animaux domestiqués et la céramique qui est considérée d'être avec un style élaboré. Alors, donc là, tu nous dis qu'ils étaient quand même assez avancés. Est-ce que, puis c'était en Égypte, et en Égypte, on pense à la civilisation égyptienne, les pyramides et tout. Exact. Est-ce que cette civilisation de Napta Playa aurait pu être à l'origine de la civilisation égyptienne? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a plusieurs chercheurs qui le pensent. Plus ça fait du sens, c'est sûr, oui. Mais en fait, ce qu'on a comme traces et des restes de sacrifices d'animaux qui vont suggérer que les gens de Nabta Playa ont peut-être eu une influence sur le culte de Hathor qu'on retrouve dans l'Égypte pharaonique. Ça, c'était un taureau, ça? Exactement, oui. En fait, il y a une version, je crois, féminine et masculine, donc il y a le taureau et il y a la vache. À l'intérieur d'un des tumulus qu'on a trouvé sur le site de Nabta Playa, on a retrouvé les restes d'une vache. En fait, je pense que c'est plutôt même un veau qui était dans son ensemble, dans son entièreté. Et on peut pas vraiment dire que c'est un lieu de déchets parce que le tumulus à l'intérieur, il y a des parois qui sont tendues d'argile et le toit est fabriqué par des branches de tamarind, c'est un petit arbuste qui fait des fleurs. Et ce niveau de dévouement là pour une poubelle, mais il est plutôt improbable. On n'a pas l'habitude de décorer nos poubelles. Exact. Mais on le fait pas aujourd'hui, on le sûrement pas fait avant. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y aurait peut-être une cérémonie là qui avait lieu là ou du moins un culte. On va retrouver aussi beaucoup de mégalithes là. Ça, une belle architecture, simpliste peut-être, mais qui n'est pas, disons, dans les cas normales. Ces mégalithes-là ont été décrits puis ont été analysés aussi. Fait que c'est pour ça ça nous donne à penser qu'il y a une petite structure cérémonielle. Il y a des cérémonies où il y a un culte là-bas. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a les tumulus avec le vestige de la vache, mais il y a aussi les structures complexes avec des menhirs accompagné à chaque fois d'une pierre enfouie dans le sol. Fait qu'il y a un gros travail élaboré qui n'est pas supposé si... C'est pas le fait du hasard. Exactement. Donc, il y a vraiment une recherche à l'intérieur de ça. Puis, on a aussi trouvé une structure circulaire faite de pierres, des tronçons de grès. Et à l'intérieur, disons, sur le pourtour de ce cercle-là, il y a quatre couples de pierres qui laissent à croire comme si c'était une porte d'entrée. Donc, il y a une recherche aussi architecturale à l'intérieur de ce cercle-là qui fait 4 mètres de diamètre. Et à l'intérieur, on trouve aussi trois autres couples de pierres. Donc, il y a vraiment une grosse... il y a un alignement. Ouais. C'est assez... C'est très structuré. C'est intriguant aussi. Puis ça fait penser au site mégalithique de Stonehenge, là, avec un cercle et quelque chose au centre aussi. Oui. Et puis, est-ce qu'on sait à quoi ça servait, là, chez les Nabta Playa? Chez les Nabta Playa, en fait, on a l'impression que c'est quasiment pareil parce que on pourrait penser que c'est un calendrier préhistorique. Parce qu'avec les calculs que nous, on a fait aujourd'hui, ça a l'air à calculer le lever du soleil au solstice d'été. Donc, c'est un calendrier préhistorique probablement. Puis, si c'est le cas, mais ça fait partie de l'un des premiers appareils astronomiques qui est connu dans le monde. Ah oui. Parce que Stonehenge, lui, a été créé ou érigé, les dates ne sont pas certaines, mais entre 2800 avant Jésus-Christ, puis on peut peut-être pousser cette date-là jusqu'à 1100 avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, c'est quand même plusieurs milliers d'années après Nabta Playa. Oui. Donc, si c'est le cas, mais on a vraiment peut-être le premier calendrier qui a été érigé. L'établissement reste à Nabta Playa, probablement un centre cérémoniel avec tous ces éléments-là. Reste à savoir c'est quoi son importance et son rayonnement à l'intérieur de la région du continent, parce qu'il y avait d'autres communautés aussi. Est-ce que ça se communiquait? S'il y avait une influence ou pas. Mais finalement, donc, cette civilisation de Nabta Playa, elle a fini par disparaître. Est-ce qu'on sait comment c'est arrivé? Malheureusement, non. Parce qu'il n'y a pas d'écriture. C'est ce qui est plate un peu avec les civilisations qui connaissent pas encore l'écriture. On aurait peut-être pu avoir des traces qui auraient donné lieu à savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des changements sociaux ou politiques. Mais là, on n'a rien. En fait, dans une perspective plus large, quand on parle de toutes les civilisations qui ont disparu, c'est jamais aussi simple que ça. Ils disparaissent pas du jour au lendemain. Exactement. C'est ça, on a été capable de créer deux classes, je peux me le permettre, là, deux classes de disparition, d'effondrement. On trouve d'une part les sociétés qui ont été incorporées à une autre. Okay. Donc, une sorte d'assimilation. Si on parle de l'ancienne Égypte, elle s'est égrenée au fil du temps auprès des Libyens, des Perses, des Grecs et des Romains. Dans ce temps-là, ce qu'on va trouver au niveau des vestiges archéologiques, on peut parler de l'artisanat, des vases peints. Il va avoir beaucoup d'influence. Il y a un mélange de cultures. Exactement. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir qu'une civilisation a été incorporée à une autre. On a aussi l'exemple des Aztèques et des Incas qui ont été absorbés par les Espagnols lors de la conquête. De l'autre côté, disons, on peut avoir les sociétés qui ont été qui ont vécu une simplification ou une réversion. Une simplification ou une réversion? Oui. On peut parler des Mycéniens, ouais. des Hittites, il y a les Mayas aussi, et probablement les gens à Naptaplaya. Alors, ça veut dire quoi? C'est une civilisation qui passe par une simplification? Ça se produit comment? Ça veut dire quoi? En fait, c'est la capacité d'adaptation d'une société qui va être réduite face à un changement plutôt rapide qui va affecter les dynamismes sociaux entre les gens ou qui pourrait déstabiliser les institutions qui sont mises en place. On peut penser au Moyen Âge. C'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Il y a eu des changements. La société, elle n'est pas disparue, mais elle s'est simplifiée en quelque sorte. Okay. Ce qui arrive, on peut penser aussi que les changements climatiques peuvent aussi avoir son affectation au sein d'un changement. Ça peut être l'environnement aussi. Pour m'expliquer, en fait, c'est que si on parle d'une population qui augmente en nombre et que la technologie rend plus facile l'exploitation des ressources nécessaires à subvenir à cette population-là, faut quand même faire attention à la capacité de rendement de l'environnement. De ce que l'environnement peut supporter, finalement, comme société. Oui. Parce que sinon, la société, elle va être potentiellement menacée si jamais le rendement n'est plus rendu, justement, par une limite environnementale. Ah, oui. C'est en quelque sorte ce que déplore l'étude de la NASA, mais aussi plusieurs groupes environnementaux, et ça depuis plusieurs années. Là, c'est pas nouveau. On veut vraiment faire attention à notre Terre pour être sûr que ça nous arrive pas aussi. Aujourd'hui, avec la civilisation globale qu'on a. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, ce serait comme une conjonction de plusieurs facteurs. Bon, des fois Puis je pense qu'il parle aussi de l'arrivée d'inégalités sociales, donc de changements éventuellement climatiques ou de changements environnementaux. Tout. Une conjonction de facteurs. Tout peut affecter. Qui sont les signes avant-coureurs finalement de l'effondrement de ces civilisations telles qu'on l'a vu, je sais pas, à l'île de Pâques par exemple ou à d'autres endroits. Oui, exactement. C'est fort intéressant. Ben, on va espérer qu'on va être intelligent pour comprendre ce signe avant-coureur. Ça nous arrivera pas. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Valérie. Alors, on passe maintenant en musique, mais restez sur CKRL au 89.1. Au retour, on vous parle des sites du patrimoine mondial qui sont menacés par exemple, la montée des eaux et d'autres phénomènes.